deux pas de là vient le nirvana. Au bord de la mer, où se remue ciel et terre, au bout de la terre, où t'enlacent les embruns. Même sous les nuages et la pluie glacée, c'est un beau voyage à l'air salé, à l'air iodé. Vaste rivage, que ce vaste rival, heureuse valeuse, où la terre s'ouvre, elle accueille la mer sur un tapis de galets, et au gré des marées.